Yeah, yeah. Hey, why? Yeah. Une fois de plus. Là, ça ne va qu'en plus. Ne m'en veux pas, si mon phrase est offense. Mon geste en lit si mal qui me suit depuis l'enfance. Ma gamberge me donne des ailes, parfois s'envole l'innocence. Autour de moi les flammes dansent, je sais bien ce que tu penses. Mais en tout cas mon gars, ce n'est pas le pire des cas. C'est souvent au fond du crâne qu'on a le pire des dégâts. Ma tête explose, crame, je n'ai pas supporté la cause. L'hypocrite monde aseptisé que l'on nous impose. Combien d'âmes en close, conquéries par une forte folie. Car sans cash les portes sont closes, c'est ma street reality. Je fais de la lèche au cliché, mais combien de man sont clichés pour des conneries dont la morale est si jamais réfléchie. Pour une freestyle session, combo sans un disga, MC SKA. Je leur mets le brouillon. Des mots blas sans indice, traîne la patte jusqu'à ton cahier de brouillon. Je leur mets le brouillon. Des mots blas sans indice, traîne la patte jusqu'à ton cahier de brouillon.